on déroule tranquillou l'aspect française avec la doublette suivante, Dawall, enchaînée à Point Mort. Qu'est-ce qu'on peut dire pour présenter ces deux groupes-là? Eh bien, Dawall, c'est un groupe de death à tendance brutale, avec de gros relents et une ambiance black metal. Ça nous vient de Mulhouse, coucou la forte influence offerte par Merciless, d'ailleurs le groupe ne s'en cache pas. Voilà, on a eu un gros changement de line-up il n'y a pas très très longtemps, il ne reste que le vocaliste d'origine, et on retrouve notamment à la frappe Thomas Henkin qui tape chez Merrimack et Ritualization. 8 titres pour à peine 30 minutes, donc voilà, c'est frontal, c'est radical, c'est expéditif, et c'est très plaisant à s'écouter, et dans un registre assez différent, enchaîné à Dawall, Point Mort, où on est sur du post-hardcore parisien, qui après avoir sorti 2 EP, sortent là un premier album studio longue durée, post-hardcore, à la fois agressif et en même temps envoûtant, une palette vocale, c'est pareil, extrêmement riche, puisque la vocaliste va piocher d'à peu près tous les registres. C'est décalé, chaotique, hardcore, madcore par moment. Voilà, Point Mort, une grosse richesse musicale et un chaos dans les ambiances. Dawall, on s'écoutera le titre Statolaria, extrait de l'album Léviathan, une sortie sur le label presque tourangeau Dolorem Records. Et ensuite Point Mort, le titre La bienveillance des faux, extrait de l'album Pointless. C'est parti. On ralentit pas franchement le tempo dans cette spé française, parce qu'on va se mettre une doublette dans la doublette, avec une nouveauté, Worst Nation, l'excellent groupe de grind français qui nous vient de Besançon. Ils sortent là leur troisième album studio, 16 titres, on atteint à peine les 15 minutes, du pur grindcore ultra efficace et ultra vénère. Une chouette coprod d'ailleurs pour la sortie entre Bones Brigade et Lexiviat Records, rappelez-vous le label qui vient de sortir le dernier Blockheads. Voilà, Worst Nation, on va s'écouter le titre Self-Containment, enchaîné à Ode Aura, et le nouvel effort studio s'intitule Dearth. C'est parti pour Worst Nation. De la fin de l'aspect française, l'occasion de respirer un petit peu, de respirer un petit peu de sable chaud d'ailleurs, avec Mudvayzer tout d'abord, groupe de stoner rock montpelliérain qui compte dans ses rangs le vocaliste Renaud, membre bien sûr de Lophophora. Du coup le timbre colle parfaitement à la musique assez groovy, pas trop crasseux de Mudvayzer. Et en doublette avec la formation montpelliéraine Disfunero, le groupe de death qui nous vient de Nancy. Après un premier EP en 2017, ils sortent là leur premier album studio longue durée, du death d'inspiration old school à la sauce suédoise, coucou Dismember et autres Entombed. 9 titres pour une trentaine de minutes, c'est hyper efficace, ça va l'essentiel. Et le visuel lui-même dégouline les années 90 dans le style, puisqu'il est signé par monsieur John Whiplash, ex-membre de Skeletal et autres Infinite Translation, qui nous vient donc entre le nord de la France et la Belgique. Voilà pour les présentations de la doublette à venir. Mudvayzer, on s'écoutera le titre Sad Man, extrait de l'album The Call. Disfuneral, le morceau Lord of Discord, extrait de l'album Blood Red Tentacle. C'est parti. Power! qu'est-ce qu'il est plaisant à s'écouter le groupe suivant qui va nous permettre d'amorcer la dernière doublette de l'aspect française pour ce soir. T-Rookie, formation de black metal qui nous vient de Polynésie française. T-Rookie nous propose donc un espèce de tribal black metal assez guerrier et épique dans le style, hein. À noter que les paroles sont intégralement chantées dans un dialecte polynésien appelé le Tuamatuan. Voilà ce qui apporte une richesse musicale et phonique ultra intéressante. Le lien avec la métropole se fait puisque le mix master a été fait auprès du Vamakara Studio du côté de Nantes. Voilà, Teloki, un visuel en plus bien bien bien bien chouette tout simplement. L'album ça s'appelle Marako Teruki. On s'écoutera le morceau Toyetika, donc je vous invite vraiment à vous pencher sur cette formation qui nous vient de la France du bout du monde. Et ensuite, on s'écoutera Post-Mortem, une autre nouveauté pour ce soir. Post-Mortem, c'est une formation encore qui nous vient de Mulhouse. On est sur du death d'inspiration old school. Le groupe a été actif au début des années 2000, puis a complètement disparu des radars avant de refaire surface avec un premier album en 2016. Le deuxième vient tout juste de voir le jour. On est sur du death classique, somme toute avec une sauce, une pâte française. Des vétérans de la scène tels que les Merciless, les premiers Load Blast et autres agresseurs. Donc voilà, un petit retour bien bien bien intéressant encore une fois. The Monumental Pandemonium, et on s'écoutera le morceau The Pure Terror signé Post-Mortem, une sortie Great Den Records. mais c'est bien là le seul lien qu'ils ont avec l'aspect française, puisque maintenant on va s'écouter la doublette Fer de Lance et Au-dessus. Voilà, deux noms français pour deux formations internationales. Tout d'abord Fer de Lance, pour un groupe de Blackening Epic Heavy Doom qui nous vient des États-Unis, une forte inspiration Atlantic Codex et la période Viking Epic de Bathory. Des morceaux assez longs, d'environ 7 minutes, voilà, une base Epic Heavy Doom. Voilà, c'est des vétérans et ça s'écoute très très bien. Au-dessus, ensuite, groupe de post-black qui nous vient de Lituanie. Ils sortent là un nouvel EP en attendant le prochain album. 5 titres pour une grosse vingtaine de minutes. Voilà, un black travaillé, très riche, à la fois atmo, contemplatif et en même temps des passages ultra bestiaux. Voilà, et le groupe est toujours sur le label français. Les acteurs de l'ombre, Fer de Lance, le titre Arctic Winds, extrait de l'album de Hyperborean, avec tout un concept autour de cela d'ailleurs, une sortie Cruz del Sur Music. Au-dessus, extrait du nouvel EP Ment avec le titre Léthargie. C'est parti. Oh! Et on approche déjà de la fin de l'émission Hellbanger de ce soir, on est toujours sur les ondes du 93.6. C'est l'heure de l'avant-dernière doublette, une doublette bah, bien brutale pour le coup, en ouverture, hein, parce qu'après on va se donner un petit peu de souffle avant une par contre doublette de fin, pendant la violence la plus totale. Beyond Mortal Dreams, groupe qui nous vient d'Australie, qui a été actif au début des années 90, mais dont les premiers enregistrements datent seulement du milieu des années 2000. Et on est sur un death assez agressif, avec un bon effet rouleau compresseur, dans le style assez immolationnesque. Et c'est encore plus extrême, parce que pour moi, ça nous rapproche vraiment, avec les titres longs, de ce que pouvait nous proposer Vital Remains. Donc voilà, Beyond Mortal Dreams, un groupe sur lequel il faut se pencher. Et en doublette, Spiral Skies, groupe de psyché doom rock qui nous vient de Suède, de grosses inspirations occultes du rock des années 50-60. Voilà, puis ça fleure un peu le heavy doom des années 80. Ils sortent là leur second album studio. Bon, le groupe compte à peine une dizaine d'années. C'est une vocaliste qui emmène la formation. Et depuis tout récemment, ils évoluent en plus à trois guitares. Donc voilà, pour encore plus de richesse musicale. Beyond Mortal Dreams, le titre Abomination of the Flames. Et c'est tout simplement le titre de l'album. Et en doublette, Spiral Skies Into the Night. Extrait de l'album Death is But a Door. L'album d'ailleurs est sorti chez Art of Propaganda Records. C'est parti. We'll be right back. comme annoncé il y a quelques minutes, c'est donc l'heure de la toute dernière doublette pour l'émission de ce soir. Une doublette bien vénère avec d'ailleurs la dernière nouveauté pour aujourd'hui. Une autre formation australienne, il s'agit de Reaper, le groupe a vu le jour en 2016. Et après une première démo EP, ils sortent là leur premier album studio longue durée. On est sur ce qu'on peut appeler du proto-black, hein, cette espèce de crossover entre le speed trash assez punk et crado qui posait les fondations même du black, un crossover entre Hellhammer et ce qui est devenu ensuite Celtic Frost, premier Bathory, un petit peu de 10 bit crust à la Discharge et un son à la Venom. 10 titres pour 30 minutes, c'est bien crado, ça dégouline et on prend un voyage dans le temps, bienvenue en 1983. Ça n'a rien d'original, mais c'est putain de old school et c'est tellement bien fait que c'est un vrai plaisir. Et pour clôturer l'émission de ce soir, Putrefied G, groupe de Brutal Slam Death belge, avec un membre de Human Barbecue dedans. Ils sortent là le quatrième album studio après environ 10 ans d'absence. Bon, un petit EP était sorti entre temps et un split, mais voilà, longue absence avant ce nouvel effort studio longue durée pour Putrefied G. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Reaper, le titre Satanic Panic, extrait de l'album Viridian Inferno. Putrefied G, ensuite Annihilating the Week, et bien c'est tout simplement le titre de l'album, une sortie Vile Tapes Records. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous, et à très bientôt dimanche prochain, plus précisément pour une nouvelle émission. Ciao ciao!